Longtemps, la science a estimé que les conditions de la vie étaient assez simples. Une température modérée, une pression modérée, une chaleur modérée, une acidité modérée, bref, des conditions relativement moyennes. Jusqu'au jour où l'on découvrit de la vie dans des sources bouillonnantes, dans le parc de Yellowstone, puis dans des cheminées hydrothermales océaniques, dans des cratères volcaniques, voire dans des endroits hautement radioactifs. Ces micro-organismes extrémophiles ont bouleversé notre compréhension du vivant, de la façon dont la Terre a été colonisée, à ce que l'on pourrait trouver dans les confins les plus sombres de l'espace. Extrémophile, la vie à toute épreuve, c'est le programme radical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'apparition de la vie dans ces environnements extrêmes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Adrienne Quiche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, membre du laboratoire biochimie des interactions microbiennes. Et bonjour à vous Patrick Forter. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut Pasteur, chef de l'unité de biologie moléculaire du gène chez les extrémophiles. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en replay sur la page de la méthode scientifique sur France Culture. En podcast via l'application de Radio France ou de France Culture par exemple, mais aussi en complément et en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc où nous allons poster comme chaque jour un certain nombre de liens vers des articles, d'illustrations pour compléter ce qui va être dit à ces micros. Je le disais donc à l'instant, notre connaissance des extrémophiles est assez récente. Elle date précisément de la toute fin des années 60 lorsqu'un biologiste américain découvrit dans les lacs bouillonnants du parc de Yellowstone aux États-Unis, un micro-organisme vivant. Écoutez cet archive de la radiodiffusion française, c'est l'heure de la culture française, nous sommes en 1970. Nous avons l'habitude, nous biologistes, de ne concevoir la vie qu'en présence d'eau. Et nous ne concevons pas quelle espèce de vie pourrait exister là où il n'y a pas d'eau. Mais nous avons peut-être tort, nous sommes peut-être limités, nous sommes peut-être étroits dans nos vues, et nous avons peut-être une ignorance considérable. Mais d'autre part, il est bien certain que la vie ne peut pas non plus exister en présence, par exemple, de radiations ionisantes très fortes. D'autre part, il y a aussi des limites de température, quoique nous sachions bien aujourd'hui que la vie est possible dans des conditions de température même voisines du point d'ébullition de l'eau. Et nous avions aussi dans notre jugeote simpliste pensé que ces bactéries, par exemple, micro-organismes qui vivent dans les sources chaudes, dans le parc de Yellowstone, par exemple, que ces algues ou ces micro-organismes devaient posséder des protéines particulières, résistantes à des températures élevées. Oui, car les nôtres sont coagulées, comme le blanc d'œuf bouilli devient dur. Mais les leurs sont coagulées aussi. Comme on l'a montré, elles subissent les mêmes transformations, seulement elles sont très rapidement renouvelées. De sorte que les organismes qui vivent dans ces sources chaudes sont des organismes en voie de renouvellement très rapide. Voilà cette archive peu de temps après la découverte à la fin de l'année 1969 par le biologiste américain Thomas Brock de ces micro-organismes vivants Thermus aquaticus à partir des sources d'eau chaude et acide du parc national de Yellowstone. Une réaction l'un et l'autre à cette archive, Patrick Forter. Alors en fait on sait maintenant que les protéines de ces micro-organismes sont très très résistantes aux températures et ne coagulent pas, contrairement à ce qui a été dit. C'est vrai que chez les bactéries en général, ou les archées dont on parlera, les macromolécules se renouvellent rapidement. Mais ce qui a été justement mis en évidence, c'est que certains extrémophiles sont capables justement de posséder des protéines, des macromolécules qui sont complètement adaptées à leur environnement. Adrienne Quiche, c'est assez récent encore une fois cette découverte, l'idée que la vie n'ait pas forcément besoin de ce milieu intermédiaire que je décrivais dans l'introduction de cette émission, mais qu'elle peut émerger dans des endroits qui a priori paraissaient très, très hostiles. Tout à fait. L'idée qu'on a la vie dans les milieux, pour nous, sont extrêmes. C'est un point de vue très anthropocentrique. C'est extrême pour nous, mais pas pour ces micro-organismes. Ça, c'est leur milieu préféré, même si c'est un pH très acide, les températures très élevées, les milieux hyper salés, ou même avec les rayonnements ionisants. Pour ces organismes, ça c'est un milieu, c'est pas extrême pour eux. Et ça date de, dans les années 60 ou des années 50, que c'est les premières découvertes de ces organismes. Et après, il y avait plein d'explosions dans le domaine pour comprendre comment c'est possible pour ces organismes de survivre dans ces conditions. Et puis, on entend bien, et ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, quand on dit extrémophile, c'est extrémophile de notre point de vue à nous, mais Patrick Forter, au contraire, les milieux modérés pour ces micro-organismes-là, c'est mortel. Tout à fait, c'est mortel, ou tout au moins ils se mettent en stand-by. Par exemple, les organismes que l'on appelle hyperthermophiles, qui ont des températures de croissance optimale supérieures à 80 degrés, si vous les mettez à 20-30 degrés, ils vont pas mourir, mais ils vont arrêter de se diviser, ils vont rester complètement amorphes. Et dès que vous allez remettre la température élevée, ils vont recommencer à se diviser. Donc ces organismes-là sont complètement dépendants de la température. Ceux qui sont certains sont dépendants, par exemple, de fortes concentrations de sel, comme l'a dit Adrienne. Dans ce cas-là, c'est assez spectaculaire, parce que s'ils se retrouvent dans un milieu peu salé, dans de l'eau normale, par exemple, ils vont simplement éclater. En fait, ils vont se dissoudre. Ça, c'est une des premières expériences très impressionnante pour moi avec les extrémophiles. À une époque où j'ai travaillé avec ces organismes que l'on appelle halophiles, qui aiment le sel, on les mettait sous le microscope, donc dans leur milieu qui est très très très salé, et puis on ajoutait une goutte d'eau pour diluer, et on voyait les cellules qui disparaissaient comme l'homme invisible dans les séries feuilletons télé des années 70, parce que simplement leurs protéines se dénaturaient, et toute la cohésion de leur membrane, simplement, il n'y avait plus cette cohésion, elle disparaissait. C'était très impressionnant. On dit extrémophile, c'est un grand mot pour regrouper plein de réalités très différentes et plein de mécanismes qui sont très distincts, qu'on aura le temps d'étudier les uns après les autres au cours de cette émission. Ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de ces micro-organismes qui sont polyextrémophiles, c'est-à-dire qui aiment à la fois la chaleur, qui aiment à la fois l'acidité. C'est le cas, par exemple, justement, de ces micro-organismes qui ont été découverts à Yellowstone, Sulfolobus acido-caldarius, qui peut supporter des températures supérieures à 90 degrés et des pH très, très acides. En général, l'un va avec l'autre. Plus on supporte des milieux extrêmes, plus on en supporte de nombreux. Adrienne Kisch. C'est vrai, parce que c'est, en fait, leur capacité de survivre dans ces conditions, c'est lié moins avec les conditions en soi, c'est plutôt avec les dommages cellulaires induits par ces conditions. Et les adaptations qui permettent leur survie contre une de ces conditions, par exemple, l'eau température, ça aide aussi, quelquefois, avec d'autres conditions comme le pH acide. Alors, on trouve souvent des organismes dans un mélange des conditions extrêmes ensemble. Et c'est les adaptations au niveau moléculaire qui permettent leur survie dans plusieurs conditions, même des conditions qu'on ne trouve pas du tout dans l'environnement naturel. Et ça, c'est le cas pour des organismes radiorésistants. Parce qu'on trouve très, très peu des organismes qui sont exposés naturellement à des rayonnements ionisants. Alors, par exemple, le Dinococcus radiodurans, qui est le plus connu en radiorésistance, c'était identifié pour la première fois à partir d'une boîte de viande conservée qui était stérilisée avec des rayonnements X. Et dedans, ils ont trouvé il y a des micro-organismes qui continuent à survivre dedans. Et c'est là qu'ils ont identifié le Dinococcus radiodurans. Mais effectivement, une boîte de viande conservée, c'est pas le milieu naturel pour Dinococcus radiodurans, mais ils sont capables à survivre dans des conditions. Alors, le fait qu'ils sont résistants à rayonnement ionisant, qui est pas du tout une situation naturelle, ça c'est grâce à autres adaptations, par exemple, des conditions de dessiccation, un manque d'eau, qui permettent leur survie. Et on verra, hein, d'ailleurs, c'est peut-être important de le préciser maintenant, que ces micro-organismes extrémophiles, on ne parle pas là de micro-organismes qui vont pouvoir se protéger dans les cas d'une agression du milieu extérieur et se mettre en stase en quelque sorte, ou redevenir inerte en attendant que le milieu redevienne favorable. On parle au contraire, faut bien le préciser, Patrick Forter, d'organismes qui ont besoin absolument de ces milieux-là pour se multiplier, pour survivre, pour se multiplier. Alors on a un petit peu les deux aspects. C'est-à-dire que moi j'aurais tendance à classer les extrémophiles en deux grandes catégories. On a des extrémophiles qui normalement préfèrent des conditions normales entre guillemets pour nous hein, toujours, mais qui sont capables de s'adapter à des conditions extrêmes. Et puis, on a les vrais, entre guillemets, extrémophiles, qui, eux, sont complètement 100% adaptés à ces conditions-là et qui ne peuvent pas vivre dans des conditions normales, simplement parce qu'ils ont adapté toutes leurs macromolécules, soit à fonctionner dans des conditions de très haute température, soit de sels très élevés. Donc on a ces deux types d'adaptations et dans certains cas, on peut avoir des micro-organismes qui combinent également les deux. Ce qu'il faut préciser, on va parler des archées dans un instant parce que la découverte des extrémophiles est très liée à la découverte des archées, mais il y a autre chose qui est important, Patrick Forter a précisé, c'est que ce ne sont pas des organismes qui sont dotés de gènes incroyables, extraterrestres ou particuliers, ce sont des organismes dont on connaît le patrimoine génétique mais qui l'expriment différemment. Oui, absolument. Ils sont tout à fait constitués des mêmes composants que les organismes classiques pour nous. Ce qui est caractéristique, c'est que dans certains groupes de micro-organismes, on va trouver des organismes extrémophiles et des organismes non extrémophiles très proches sur le plan évolutif. Par exemple, chez les archées, dont on a fait allusion, dans les cadres des celles qui produisent du méthane, il existe des groupes de méthanogènes, par exemple le genre Méthanococcus, où l'on va trouver des organismes sycrophiles qui vont vivre à très très basse température, qui vont être capables de vivre à très basse température, entre 0, disons, et 20-25 degrés, et sur le plan évolutif, des organismes très proches qui vont pouvoir vivre à 80-100 degrés. Donc ce sont vraiment les mêmes organismes avec les mêmes composants biochimiques. Il suffit d'assez peu, finalement, de particularités pour pouvoir les rendre extrémophiles, dans certains cas. Adrien Kish. Alors, en fait, toutes les études sur les extrémophiles, ils ont nous aidé avec la découverte sur l'évolution de la vie aussi, parce que c'était grâce à une enzyme provenant d'un organisme thermophile, Thermus aquaticus, qui est la base maintenant de toutes les technologies de séquençage de l'ADN qu'on connaît. Et avec ces séquençages de l'ADN, ça nous permet après de révéler l'évolution de la vie. Et c'était le début de la révolution de génomique. Alors maintenant, on pourrait regarder tout le génome des organismes. Et c'était grâce à ça qu'on a comparé les génomes des organismes extrémophiles avec des organismes non extrémophiles comme E. coli. Et on a vu qu'effectivement, il n'y a pas une baguette magique qui sépare les deux génomes. Il y a un qui résiste à des milieux extrêmes et l'autre qui résiste pas du tout. Mais c'était plus dans la régulation de ces gènes qui fait la différence entre un organisme comme E. coli et nos super-héros des micro-organismes, les extrémophiles. Et alors un mot justement sur ce lien entre extrémophiles et archées. Alors tous les micro-organismes extrémophiles ne sont pas des archées, mais beaucoup d'archées sont extrémophiles et la découverte des archées est très très récente, presque aussi récente que la découverte des extrémophiles, Patrick Forter. Ça commence à dater quand même. Ça commence à dater, c'était en 1977. 77, oui. Donc ça fait plus de 40 ans. Et à peine plus de 40 ans et je dois dire qu'encore aujourd'hui à l'université, dans les cours de biologie, très souvent, les étudiants n'entendent pas parler des archées. Et c'est assez rare, assez exceptionnel qu'on en parle à France Culture. On a déjà beaucoup parlé des archées ici. Ah oui, plein d'émissions. On les connaît presque sur les bouts des doigts. Que c'est important néanmoins de rappeler exactement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est en identifiant ces extrémophiles qu'on s'est rendu compte, quoi, que le patrimoine génétique n'était pas tout à fait la même chose. Au début, on pensait que c'était des bactéries, que c'était des prokaryotes. Au départ, les archées en elles-mêmes étaient connues depuis longtemps. Certaines d'entre elles étaient prises pour des bactéries parce qu'elles ressemblent tout à fait à des bactéries. Ce sont des organismes unicellulaires qui n'ont pas de noyau. L'ADN n'est pas protégé par une membrane nucléaire comme dans nos cellules. Comme chez les eucaryotes. On parle de cellules eucaryotes. Ce sont des cellules prokaryotes comme les bactéries. Donc elles étaient confondues avec les bactéries. En particulier, on connaissait depuis très longtemps les halophiles, dont on parlait tout à l'heure. On connaissait le rouge de la morue, par exemple. Et lorsque les pêcheurs, pour conserver la morue au cours des campagnes à Terre-Neuve, salaient le poisson, parce qu'on sait que le sel, en général, justement, empêche le développement des micro-organismes. Manque de chance, parfois, ça marchait pas. Ils voyaient du rouge se développer pourrir le poisson. C'était le rouge de la morue. En fait, c'était des archées halophiles. Et le premier papier là-dessus, c'est les annales de l'Institut Pasteur. C'est dans les années 1890. Les premières archées qui ont été identifiées en tant que telles par le chercheur américain Carl Woese étaient des méthanogènes, donc des bactéries que l'on trouve dans notre intestin en particulier, qui produisent du méthane, qui sont anaérobies, qui n'étaient pas vraiment en fait des extrémophiles. Simplement, elles ne peuvent pas survivre en présence d'oxygène, mais c'est une caractéristique qui est présente chez qui est très commune chez les bactéries. Ce qui a frappé les imaginations, c'est que en 77, donc, Carlouse a identifié les méthanogènes comme étant à part des autres bactéries. En 78, ils se sont aperçus que les halophiles, dont on a déjà parlé, étaient apparentés aux méthanogènes, ce que personne n'aurait jamais imaginé. Et puis l'année d'après, ils se sont aperçus que deux des thermophiles découverts par Thomas Brock à Yellowstone, après Thermus aquaticus, donc celle dont vous avez parlé déjà, Sulfolobus, voilà, Acidocaldarius, et une autre qui s'appelait Thermoplasma acidophyllum, ils se sont aperçus qu'elles faisaient également partie de ce groupe des archées. Alors comment on s'en est aperçu? Au début, grâce au séquençage de certaines de leurs macromolécules, donc ce sont les techniques auxquelles Adrienne a fait allusion, bien qu'à l'époque, on n'avait pas encore cette méthode d'amplification de gènes grâce aux bactéries thermophiles, mais disons que les chercheurs avaient quand même réussi à développer des techniques assez lourdes, très lourdes à l'époque, qui permettaient quand même d'extraire de l'information évolutive de certaines macromolécules. Et là, ça a été une grosse surprise quand les chercheurs se sont aperçus que si on rentre un petit peu dans la technique, une molécule d'ARN qui se trouve dans les ribosomes était apparentée entre méthanogène, bactéries produisant du méthane, halophile et ces thermoacidophiles dont nous avons parlé, très très différent de toutes les autres bactéries. En fait, intermédiaire à l'époque, un peu entre les bactéries et nous. Et très vite également, les chercheurs se sont aperçus que ces organismes-là, non seulement partager cette empreinte génétique, mais également posséder des lipides très particuliers. Donc les lipides, on connaît, hein, c'est les graisses, et en fait ceux qui forment les membranes cellulaires. Eh bien, on s'est aperçu que ces trois groupes que l'on appelait à l'époque archébactéries et que l'on appelle maintenant archées, possédaient des lipides différents à la fois de ceux des bactéries et des nôtres. Donc on a vraiment une troisième forme de vie sur Terre qui partage avec nous beaucoup de choses, en particulier le code génétique, les protéines, l'ADN ou autre, mais qui a ses caractéristiques propres, distinctes des deux autres. Et pour les archées, une chose qui sépare les archées des bactéries, malgré leur forme qui ressemble fortement entre les bactéries et les archées, leur morphologie, c'est à peu près pareil, mais quand on regarde au niveau moléculaire, on voit que leurs protéines, en particulier toutes les protéines qui sont là pour la maintenance de leur génome, qui sont essentielles pour ces mécanismes de maintenance de leur ADN, de réparation de l'ADN, etc., ces protéines ressemblent plus à nos protéines. Ils ressemblent du type eucaryote. Alors, on a une morphologie qui ressemble à une bactérie, mais avec toute la machinerie dedans pour la maintenance de leur génome qui ressemble plus à nous. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc de ces micro-organismes, des archées, mais il n'y a pas que des archées, qui sont extrémophiles, qui vivent dans ces milieux, qui ont besoin de ces milieux extrêmes pour se développer, pour prospérer. Nous en parlons avec Adrienne Kisch et Patrick Forter. Peut-être, Adrienne Kisch, quel est le point commun entre ces micro-organismes, qu'ils soient halophiles, thermophiles, psychrophiles, enfin, il y en a toute une liste, radiorésistants. Est-ce qu'il y a un point tout de même commun qui permet de les englober dans cette grande famille extrémophile, ou est-ce que c'est vraiment plus une construction pour mettre tous ces micro-organismes qui résistent à des conditions extrêmes? C'est vraiment une grande enveloppe qu'on met tous les extrémophiles dedans et les organismes, comme Patrick a dit, qui sont résistantes à ces conditions, qui n'ont pas besoin forcément des conditions. Mais quand on commence à regarder au niveau moléculaire, on trouve des points en commun entre des différentes conditions. Un des points qui est en commun, c'est une protection de l'ADN. Alors, il y a certains organismes qui utilisent des mécanismes de réparation de leur ADN. Et cette réparation est extrêmement efficace et rapide. Et ça leur permet de survivre dans plusieurs conditions qui peuvent endommager leur ADN. Il y a aussi protection des protéines, parce que on peut repérer ADN, mais les protéines, on ne peut pas les repérer. On doit simplement les détruire et produire d'autres protéines pour les remplacer. Alors, c'est essentiel de garder des protéines actives pour faire toutes les activités d'une cellule. Alors, une fois que les protéines sont protégées, peut survivre des conditions, même des conditions qui ne sont pas naturelles. Il y a des expériences qu'ils ont pris des organismes halophiles qui sont toujours... Halophiles, c'est ceux qui survivent aux fortes concentrations en sel, hein, je le rappelle. Voilà, sur la surface. Alors, il y a des sites à Camargue ou en Majorque, il y a des endroits salés. Il faut imaginer un endroit très chaud à la surface. Ces organismes sont jamais exposés à forte pression comme on trouve à profondeur dans nos océans. Mais on peut mettre ces organismes à haute pression, la même pression qu'on trouve à le point le plus profond de nos océans. Et ils sont capables à survivre. Pourquoi? En fait, c'est parce que ils ont un mécanisme de protection pour leurs protéines et ils ont un type de paroi cellulaire qui est suffisamment rigide pour le protéger contre ces pressions, malgré le fait qu'ils n'ont pas une pression de sélection naturelle pour ces conditions. C'est ça, Patrick Forter. Pour résumer, en fait, quand on commence à présenter des caractéristiques extrémophiles, ces micro-organismes ont plus facilement tendance à supporter, à en présenter divers, en fait, pas qu'un seul, mais qui permettent de résister à différents types de conditions. Oui, alors on trouve des mono-extrémophiles et des poly-extrémophiles. Un aspect intéressant, c'est le fait que si on regarde certaines adaptations, on va trouver des organismes capables de s'adapter, par exemple, au froid dans tous les domaines du vivant. Donc, on a parlé des archées, des bactéries, des eucaryotes. De même, on va trouver des organismes capables de s'adapter aux hautes pressions. On a des poissons dans les fosses les plus profondes de l'océan. On a également des organismes comme les tardigrades, des animaux qui sont capables de résister à des radiations tout à fait étonnantes. Il y a un domaine, par contre, qui est beaucoup plus sélectif, c'est la température, en ce sens que, dans ce cas-là, tous les organismes que l'on trouve être thermophiles ou hyperthermophiles, donc les organismes capables de pousser dans une gamme de température entre 60 et 110 degrés, ce sont tous des procaryotes, soit des archées, soit des bactéries. On ne trouve pas aucun eucaryote jusqu'à présent capable de vivre à des températures supérieures à 60 degrés. Donc là, il y a une question très intéressante qui n'est pas encore vraiment résolue. C'est pourquoi les organismes qui nous ressemblent n'ont pas été capables de s'adapter à ces conditions-là. Alors c'est peut-être lié au problème du noyau, puisque les organismes eucaryotes expriment leur gène dans le noyau, mais l'information doit être transférée à ce qu'on appelle le cytoplasme pour être traduite au niveau des ribosomes pour la fabrication des protéines. C'est un processus qui est assez lent. Et on peut imaginer, par exemple, que l'ARN, qui est une molécule fragile à haute température, n'est pas capable de supporter ce processus à très haute température. Alors que chez les bactéries ou les archées, on a ce qu'on appelle le couplage entre la synthèse de l'ARN messager sur l'ADN, qui est immédiatement traduit par les ribosomes. Ça, c'est un gros point assez intéressant de savoir est-ce que vraiment il y a là quelque chose qui explique pourquoi on ne connaît pas d'eucaryotes thermophile ou hyperthermophile, ou bien est-ce que demain ou la semaine prochaine, on va découvrir un eucaryote de ce type qui est simplement passé inaperçu jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant parce que vous avez dit on ne connaît pas d'eucaryote qui ait évolué pour acquérir ce type de capacité. Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer les choses dans le sens inverse, c'est de dire que peut-être que ces cellules eucaryotes ou ces organismes eucaryotes ont disparu mais qu'ils ont existé à un moment donné, ou est-ce que c'est fort peu probable, Adrienne Kisch? Voilà, c'était une question. C'est la question de l'œuf ou la poule qui est une question un peu impossible. Non, mais honnêtement, c'est une question qu'on arrive à comprendre quels sont les facteurs limitants pour la vie. On approche la limite de philosophie et la science en même temps. Parce qu'on comprend très mal pourquoi les hautes températures semble un vrai blocage pour la vie. L'autre blocage absolu, c'est une absence d'eau. Tous les organismes qu'on connaît, ils ont besoin de l'eau liquide à un moment donné pendant leur cycle de vie. Alors, on connaît ces limitations pour la vie, mais on comprend toujours pas pourquoi il y a ces limitations. Et maintenant, c'est juste grâce à des nouvelles technologies d'analyse au niveau de l'échelle micro et même nano qu'on commence à voir les dommages moléculaires qui arrivent et pourquoi on a ces limites de la vie. Alors peut-être avec ça, on peut déterminer pourquoi on n'a pas les eucaryotes dans ces environnements. Alors peut-être, j'aimerais qu'on descende justement à ce niveau moléculaire et cellulaire. Aujourd'hui, prenons les extrémophiles que vous connaissez le mieux, Patrick Forter, les thermophiles, les hyperthermophiles. Qu'est-ce qui fait que ces organismes-là, ces archées et ces prokaryotes, ne se lisent pas. Comment se fait-il que, au-delà de 80, 90 degrés, jusqu'à 110 degrés, d'ailleurs pourquoi pas au-delà de 110 degrés, vous allez nous le dire, comment fait-il que ces organismes ont développé des mécanismes de défense et de résistance ? Alors ce sont des mécanismes qu'on commence vraiment à aborder au niveau moléculaire. On peut comparer la structure de protéines isolées d'organismes hyperthermophiles avec, justement, comme je disais tout à l'heure, la structure d'une protéine isolée d'un organisme apparenté, très proche, mais lui vivant à basse température. On s'est aperçu qu'en fait, il suffisait d'un petit nombre de liaisons entre acides aminés. Les protéines sont des structures qui dépendent de la formation de liaisons faibles entre acides aminés pour leur forme. Et on s'est aperçu que, dans certains cas, la formation d'un petit nombre de supplémentaires, mais à des endroits bien placés, de ces interactions faibles, finissait par créer quelque chose de fort. Alors après, il y a des cas où les protéines vont être encore plus résistantes aux conditions extrêmes, et où là, on a besoin, on s'est aperçu, de mettre des sucres à leur surface. Actuellement, là, à l'Institut Pasteur, on étudie en particulier la structure de certains de particules virales de virus, justement, attaquant Sulfolobus acidocaldarius ou les Sulfolobus apparentés. On s'est aperçu que ces particules virales sont extraordinairement résistantes. On peut les faire bouillir dans des détergents. On peut, en fait, pendant longtemps, ça a même posé des problèmes pour les étudier ou les analyser, parce que toutes les techniques classiques qui sont utilisées par les biochimistes dans leur analyse ne marchaient pas. On s'aperçoit maintenant, effectivement, que c'est l'agencement des acides aminés à l'intérieur de ces protéines qui renforce certaines interactions et l'apparition de sucres à leur surface qui également est utile pour maintenir ce système. Dernièrement, on a mis en évidence des poils d'archées qui sont extraordinairement résistants justement à toutes les conditions qu'on a pu essayer pour les débobiner. Ça ne marchait pas. Donc on a vraiment là toute une série de stratégies intéressantes. Au niveau des membranes également, et là c'est sans doute le point le plus important par rapport aux limites de température de la vie, quel est le problème quand on monte la température? C'est qu'au bout d'un moment, les membranes deviennent de vraies passoires. Deviennent poreuses. Voilà, l'importance des membranes en biologie, c'est d'éviter justement la fuite des petites molécules, comme par exemple l'ATP, la molécule qui permet la monnaie de la cellule, la molécule énergétique qui est très concentrée à l'intérieur de la cellule, d'éviter qu'elle s'échappe à l'extérieur. Inversement, d'éviter que certaines molécules toxiques rentrent. Et donc on a besoin de cette membrane formée par des graisses. On sait que si on mélange de l'eau et de la graisse, ça ne colle pas et c'est insoluble. Donc on a besoin de ça. Bien, en fait, si on chauffe, ça a été montré par des expériences où on prend des vésicules formées de lipides de bactéries ou d'archées ou d'eucaryotes. Si on chauffe, plus on va chauffer, plus ces molécules vont perdre leur imperméabilité. Ces membranes vont perdre leur imperméabilité. Et à un moment donné, ça ne va plus fonctionner. En particulier, un certain nombre de mécanismes énergétiques qui ont lieu au niveau des membranes cellulaires ne vont plus pouvoir fonctionner. Alors là, ce qui est 60 degrés, donc ce niveau-là, pour des cellules habituelles. Pour les membranes classiques de bactéries ou d'eucaryotes, on peut monter jusqu'à 80-90 degrés quand même. Donc ce n'est pas les membranes qui semblent être le problème pour les eucaryotes. Par contre, si l'on veut aller au-delà, eh bien là, on va devoir prendre des lipides d'archées. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ces lipides qui étaient différents de ceux des bactéries ou des eucaryotes. Là, ce qui est intéressant, c'est que toutes les archées, même celles qui vivent à basse température, ont des lipides très très bien adaptés pour la vie à très haute température. C'est des lipides qui vont être particulièrement imperméables. Donc si on fabrique des vésicules avec des lipides d'archées, on va pouvoir monter au-delà de 80-90 degrés, on va pouvoir monter facilement jusqu'à 100-105 degrés. Par contre, si on veut aller à 110-120, ça ne marche pas non plus, même avec des lipides d'archées. C'est pour ça, d'une part, que l'on pense que si on regarde des sources chaudes à Yellowstone ou ailleurs, très très chaudes, si on regarde celles qui sont les plus chaudes, progressivement, on va voir la proportion de bactéries diminuer et la proportion d'archées augmenter. Et si on dépasse une certaine température, là, on ne va plus avoir que des archées. La limite actuellement, la limite extrême pour les bactéries, ça tourne autour de 90-95 degrés, alors que pour les archées, on arrive vers 105-110. Et pourquoi cette limite haute de 105-110? Alors, je crois qu'il y a des études, une équipe japonaise qui avait dit qu'elle va réussir à monter jusqu'à 120 degrés, mais que c'est assez contesté. Qu'est-ce qui se passe à ces températures limites, Adrienne Kisch? À la température le plus limitant, on a des problèmes effectivement de la stabilité de la membrane, aussi le fonctionnement de les protéines liées avec l'expression du génome. Et juste pour être sûr que les protéines restent fonctionnelles. La chose qui est intéressante, c'est que qu'on approche des limites, comme Patrick a dit, qu'on est à plus de 100 degrés, on trouve pratiquement que des archées, et en imaginant que dans ces environnements le plus extrême, il y aura une paroi cellulaire bien comme un tank, bien costaud. En fait, c'est l'inverse. Le paroi cellulaire des archées, c'est beaucoup plus simplifié que la plupart des bactéries. Alors au final, la plupart des archées, ils ont que juste leur membrane entourée avec une couche des protéines de surface. C'est tout. Ils n'ont rien d'autre que ça, et ça, ça supporte la vie dans les environnements le plus extrêmes. Alors en fait, plus qu'on allait dans les zones plus en plus extrêmes, on trouve des formes de vie plus, entre guillemets, simplifiées, mais efficaces. Et c'est tout ça, c'est essentiellement en grande partie lié à la conformation, à la configuration en 3D des protéines ou des lipides de surface. Alors c'est lié à la structure des lipides. La structure des lipides chez les archées est très différente de celle des bactéries. Là, c'est un peu difficile d'entrer dans les détails, mais disons qu'ils comprennent énormément de groupements hydrophobes, des groupements méthyl-CH3, pour ceux qui connaissent un peu de chimie, qui sont très hydrophobes et qui forment effectivement une couche très difficile à passer pour les protons ou les molécules d'eau, etc. Mmh. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect des protéines, comme a dit Adrienne, et ce qui est moins connu mais qui commence à apparaître, c'est aussi l'importance peut-être des sucres à la surface de ces protéines. Dans le cas des hyperthermophiles que l'on étudie, par exemple, ce qu'on appelle les thermococcales, qui peuvent supporter des températures de l'ordre de 100-105 degrés, on voit énormément de sucre à la surface qui rappelle ce que l'on a vu chez certains virus. Et ça, c'est particulièrement le cas pour les protéines de surface qui sont le composant de la paroi cellulaire. Ouais. On voit un changement des sucres qui sont présents à la surface de ces organismes en fonction de les conditions dans l'environnement. Alors, si la température change ou la concentration des métaux et des sels, on a un changement de ces sucres à la surface. Et ça, c'est un point qu'on ne sait pas encore. Pourquoi exactement, qu'est-ce que c'est le mécanisme et comment ça aide leur survie, mais c'est quelque chose qu'on peut observer. First winter of my life, I was told it was the height of me. The first dance, well, the first one that counted, felt like my blood was built from crackling light. All this ancient that we don't understand. The first sound of a heartbeat to riots roaring on. This is not the love you've had before. This is something else. This is something else. Life on Nurse de Snow Patrol à 16h35 sur France Culture, puisque nous allons voir comment ces extrémophiles nous renseignent précisément sur les débuts de la vie sur Terre. Dans un instant, nous parlons donc de ces micro-organismes eucaryotes, prokaryotes, archées, essentiellement extrémophiles, qui vivent dans des conditions extrêmes de température, de salinité ou de pression. Nous en parlons avec Adrienne Quiche, qui est maîtresse de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et membre du laboratoire biochimie des interactions microbiennes, et Patrick Forter, qui est professeur à l'Institut Pasteur et chef de l'unité de biologie moléculaire du gène chez les extrémophiles. Alors, on a beaucoup parlé des thermophiles ou des hyperthermophiles. Il n'y a pas que les thermophiles ou la température qui sont des conditions extrêmes. Il y a aussi évidemment la pression, puisqu'on a retrouvé des micro-organismes vivant au plus profond des océans terrestres, hein, jusque dans la fosse des Mariannes à plus de 11 km de profondeur. Comment et pourquoi ces micro-organismes se sont-ils adaptés à une telle pression? Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à l'exposition Océan, une plongée insolite au Muséum National d'Histoire Naturelle pour comprendre eh bien justement comment on étudie le fonctionnement de ces extrémophiles océaniques. Oui, et c'est Sarah Samadi qui est professeure au Muséum d'Histoire Naturelle et chercheuse au sein de l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité qui nous guide dans l'exposition Océan pour nous parler des différents types d'organismes extrémophiles qui y sont présentés. À partir de l'exemple de moules vivant dans les sources hydrothermales, Sarah Samadi nous explique les différentes façons dont on peut étudier l'évolution de ces organismes extrémophiles marins et comment on peut comprendre leur adaptation en étudiant les organismes non extrémophiles, cette fois qui vivent au voisinage de ces zones sous-marines, a priori hostiles à la vie. Dans l'exposition, en fait, les parties qu'on peut effectivement qualifier d'extrêmes, c'est les sources hydrothermales, d'une part. Là, l'extrême, il se situe au niveau de la température qui peut être extrêmement chaude à des grandes profondeurs où par ailleurs il fait très froid. Et l'autre aspect extrême de ces environnements-là, c'est que ces fumeurs, ils dégagent des composés sulfurés, des composés qui sont dans l'ensemble considérés comme toxiques pour le vivant et qui impliquent un certain nombre de processus spécifiques pour survivre. L'autre type d'extrême, c'est le milieu antarctique, où là, on est dans des conditions de température où l'eau de mer peut, tout en restant liquide, être négative. Donc si on est à des températures où l'eau gèle, il faut avoir des stratégies qui permettent de survenir à ça. Donc en fait, sur ces milieux-là, on va avoir des explorations qui vont être avec des moyens finalement assez rudimentaires qui sont du dragage, du chalutage, qui vont permettre de remonter ce qu'il y a au fond de la mer et de l'étudier. Ça, ça permet de caractériser les organismes, ça permet de décrire, de les comparer à autre chose, ça permet de les conserver aussi dans les collections et de les reconnaître en fait, qui sont-ils. Mais ça, c'est pas suffisant pour comprendre comment les organismes font pour s'accommoder des conditions dans lesquelles ils sont. Donc évidemment, pour arriver à comprendre comment ils s'accommodent, là, il va falloir faire d'autres types d'études, plus fonctionnelles, plus comprendre comment ces organismes, biologiquement, quels sont les processus biologiques. Et ça, ça implique de déployer d'autres types de techniques qui permettent de remonter, par exemple, des animaux vivants du fond de la mer, de les élever dans des conditions qui sont complètement différentes à bord, mais ça va être assez difficile. Donc l'autre façon d'approcher ça, c'est l'approche comparative, qui est l'approche que nous, on développe au muséum. L'approche comparative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des connaissances sur des organismes côtiers, plus faciles à élever, des organismes modèles, pour lesquels on a beaucoup de données. Ça nous donne des bases de données de toutes sortes qui nous permettent de comprendre que quand on a tel gène, ça permet de produire tel type de molécules et de faire ça, etc. Donc ça nous renseigne sur un certain nombre de processus. Et cette comparaison, on va pouvoir en plus la faire d'un point de vue de l'évolution. Parce qu'on peut avoir des choses qui sont pareilles, mais qui ne font pas la même chose. Elles sont pareilles simplement parce qu'elles sont partagées par un ancêtre. Et donc il faut être capable de faire la part entre ce qui est pareil parce qu'on rencontre des mêmes conditions et qu'on a évolué vers des adaptations spécifiques qui ont été sélectionnées. Et on doit pouvoir voir ça ou voir si finalement on a récupéré quelque chose d'un ancêtre commun qui fait complètement autre chose. Et puis le bricolage de l'évolution a malgré tout permis, en recombinant un petit peu les régulations, de s'accommoder de ces environnements-là. Est-ce Est-ce que vous avez un exemple d'un de ces organismes-là que vous avez pu étudier et justement où vous avez pu établir des clés évolutives? Donc, par exemple, on a fait des travaux sur les moules géantes qui sont présentes dans les sources hydrothermales. Donc, c'est des moules de très grande taille qui peuvent atteindre quasiment plus de 15 cm, qui sont dépourvus ou quasiment dépourvus de tubes digestifs, en tous les cas d'un tube digestif pauvrement fonctionnel, et qui, par contre, dans leurs branchies, ont des bactéries chimiosynthétiques. Donc, quand on avait découvert, on s'est dit, ça, c'est vraiment très différent. C'est une radiation complètement différente avec une adaptation. Donc, nous, en fait, on a replacé ces moules-là parmi l'ensemble des moules qu'on peut trouver dans tous les milieux, et en particulier les autres milieux profonds. Et il se trouve que des moules, dans le milieu profond, il y en a, et elles sont de très petite taille, en général, elles sont plutôt millimétriques, et elles sont associées à des environnements un peu particuliers, malgré tout, que sont la matière organique qui se dépose en masse au fond de la mer. Alors, il y a deux types de gros amas de matière organique au fond de la mer. Il y a les cadavres des gros vertébrés, comme les baleines. Donc, il y a des moules associés à ces fameuses carcasses de baleines. Et puis, l'autre type d'environnement, c'est le bois coulé, donc autour des forêts tropicales en particulier. Au fond de la mer, on trouve des tonnes et des tonnes de bois avec des amas assez impressionnants. Et dans ces milieux-là, on trouve aussi ces petites moules. En fait, le point commun, c'est que le bois, les carcasses de baleines, quand ça se dégrade, ça enrichit les sédiments en sulfure. Et donc, le sulfure, c'est la source d'énergie dont ont besoin les bactéries chimiosynthétiques pour produire de la matière organique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans nos milieux type baleine, bois coulé, leurs bactéries, elles leur servent à quoi? Est-ce qu'elles leur servent à se nourrir, à compléter l'apport alimentaire dans un milieu où il y a déjà pas mal de matière organique? Ou bien est-ce que ça ne leur sert pas à autre chose? Et une possibilité, c'est que ça leur sert en fait à détoxifier ces sulfures qui sont très corrosifs en fait pour les organismes et qui peuvent être en très grande concentration sur le bois et sur les carcasses de baleine. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un scénario qui explique que ces petites moules adaptées à l'utilisation de ces forts apports de matière organique, elles avaient ces bactéries, ce qui était une adaptation qui leur permet de se protéger. Et c'est ça qui a permis de coloniser les sources hydrothermales et d'avoir des moules extrêmement spécialisées des milieux hydrothermaux qui, cette fois, utilisent les bactéries non seulement pour se détoxifier l'environnement, mais aussi pour se nourrir. Donc ça, on a pu le tester parce que dans notre échantillonnage très large de tous les types de moules, de tous les milieux, de toutes les tailles, on a pu reconstruire une histoire. Et l'histoire qu'on a pu reconstruire n'était pas celle qui avait été supposée au départ quand on a découvert les sources hydrothermales. Ce qu'on a pu découvrir, c'est qu'il n'y a pas eu une seule colonisation des sources hydrothermales, mais de multiples colonisations des sources hydrothermales à partir de ces petites moules-là. Donc en fait, à partir de cette lignée évolutive, on a une sorte de préadaptation qui permet la colonisation des sources hydrothermales. Donc en fait, nous, on n'a pas tellement travaillé sur les sources hydrothermales et les organismes des sources hydrothermales, mais par contre, notre exploration des autres milieux et l'inclusion de ces organismes discrets, méconnus, à côté de ces extrémophiles, ça a permis de mieux comprendre comment ils avaient pu acquérir ça, qu'est-ce qui était une adaptation ou pas, qu'est-ce qui était spécifique et qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc ça, c'est vraiment l'approche que nous aussi, au Muséum, on essaye de développer. C'est d'avoir cette approche comparative, c'est comprendre pourquoi ça marche pareil, par une approche évolutive qui permet de reconstruire l'histoire évolutive. Voilà l'histoire de ces organismes extrémophiles, barophiles, puisqu'on dit barophiles quand il s'agit de la pression océanique. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Adrienne Kisch? Non, c'est intéressant qu'on regarde les milieux à profondeur, qu'on n'aime pas juste les micro-organismes, mais carrément les macro-organismes, les animaux qui peuvent habiter dans ces environnements extrêmes. Et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe aux profondeurs dans les océans, on trouve des points en commun avec des environnements extrêmes à la surface. Il y a des stress oxydants. Alors, la présence des antioxydants, c'est important à profondeur. Et ils ont plusieurs stress. C'est les stress de température, mais les gammes de température, ça varie quelquefois en quelques centimètres. Alors, on a des organismes adaptés à forte chaleur et le grand froid côte à côte. Patrick Forter. Oui, là, l'exemple des moules, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que, en fait, au cours de l'évolution, des organismes peuvent très rapidement devenir extrémophiles. s'adapter très rapidement en modifiant un certain nombre de mécanismes, en particulier de régulation de leurs gènes. On peut une petite moule qui va devenir une moule géante, surtout si elle est déjà adaptée avec ses bactéries, etc. La question qui se pose et qui a été posée par pas mal de gens, c'est de savoir si on peut dire la même chose pour les extrémophiles comme les hyperthermophiles, comme ces archées. Est-ce que ce sont des adaptations, des merveilles d'adaptation, ou est-ce que ce sont les organismes primitifs? Il y a beaucoup de chercheurs, en particulier ceux qui ont découvert au départ les sourcils endothermales, beaucoup de spécialistes, un petit peu les origines de la vie, qui on est toujours à la recherche, bien sûr, de réponses, qui ont supposé que dans ce cas-là, on avait affaire à des organismes qui, dès le départ, étaient adaptés à ces conditions parce que la vie était apparue dans ces conditions. C'est un petit peu ce que vous suggériez tout à l'heure. Oui, l'échelle du temps, de savoir si c'est une évolution ou une dévolution. Voilà. Alors, disons que pour avoir étudié, par exemple, dans le cas des hyperthermophiles, qui posent vraiment cette question, puisque l'idée de l'apparition de la vie à haute température, ça a été vraiment une idée très, très répandue, pour les avoir étudiés maintenant depuis de nombreuses années, leurs mécanismes moléculaires, très clairement, correspondent à des adaptations très, très sophistiquées. Leurs lipides, par exemple, pour les lipides dont je parlais tout à l'heure, souvent, les deux couches lipidiques classiques des membranes, pour ceux qui ont une petite idée, des membranes cellulaires sont formées de deux couches de lipides. Chez ces archées, souvent, les deux couches sont fusionnées, en fait, ce qui nécessite des enzymes très particulières pour arriver à fusionner les queues de ce qu'on appelle les phospholipides. Certaines molécules très importantes pour le décodage du code génétique, les ARN de transfert, par exemple, sont largement modifiées avec des modifications particulières qui leur permettent de résister à ces températures. Il y a pas mal d'années maintenant, on a mis en évidence chez ces organismes une enzyme très particulière qu'on appelle la reverse gyrase, qui est capable de faire des super-hélices d'ADN qui tournent dans le sens inverse de la fameuse hélice de Watson et Crick, et qui, d'une façon qu'on ne connaît encore pas, on comprend encore pas vraiment comment ça marche. Mais en Watson et Crick et Franklin. Et Franklin. Ne l'oublions pas. Alors, je pourrais revenir sur Franklin aussi par rapport aux hyperthermophiles, mais en fait, ce qui est assez frappant dans ce cas-là, c'est qu'on a affaire à une protéine qui est absolument essentielle pour la vie à très haute température. Là, on a récemment, avec un chercheur postdoctorant qui travaille avec moi, on a regardé un petit peu dans tous les génomes des organismes actuels, on en connaît des dizaines de milliers, où on trouvait le gène codant pour cette enzyme. On ne le trouve que chez les organismes vivant à des températures au-delà de 60 degrés. Entre 60 et 80, certaines l'ont, certaines ne l'ont pas, mais au-delà de 80, 100% des organismes ont cette enzyme. Et c'est un enzyme très complexe qui est formé par l'association de deux enzymes plus simples. Donc on voit que c'est clairement quelque chose qui n'était pas primitif, mais qui est plutôt, qui correspond à une adaptation. C'est un caractère acquis au cours de l'évolution. Ce qui est intéressant néanmoins, mais acquis il y a très très longtemps. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, les archées, on aurait tendance à penser que ce sont des organismes très primitifs, donc qui nous viennent directement des premiers âges de la Terre. Or, évidemment, ce sont des organismes qui ont continué à évoluer. Et donc, les archées que l'on trouve aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les archées qu'on a peut-être pu trouver à l'origine de l'apparition de la vie. Mais néanmoins, c'est vrai que l'étude de ces extrémophiles, Adrienne Kisch, nous renseigne, ou en tout cas, nous donne peut-être des indices sur ce qu'ont pu être les premières formes de vie monocellulaires dans des environnements qui étaient des environnements beaucoup moins tempérés qu'ils ne le sont aujourd'hui, des environnements plus chauds. On parle d'un océan ou d'océan qui était à plus de 65 degrés, les sources hydrothermales, donc avec ce volcanisme sous-marin. Vraisemblablement, tout ça nous donne des indices pour comprendre l'émergence de ces premières formes de vie. Tout à fait. Qu'on regarde l'histoire de la vie sur la Terre, il y avait la formation de notre Terre il y a à peu près 4,6 milliards des années. Et juste après la période que, il y a encore une petite controversée, mais la période qu'on suppose c'était le grand bombardement des météorites, il y avait l'apparition de la vie tout de suite après. Alors, c'est-à-dire que la vie a commencé sur une planète avec beaucoup de violence. Il y avait l'activité volcanique, il y avait une absence de protection par le ozone. Alors, il y avait des rayonnements ionisants qui arrivent à la surface. Alors, dans ce planète-là, on ne sait pas encore si la vie a commencé dans un milieu plus tempéré, des petites niches tempérées ou dans des environnements qui étaient très extrêmes sur la planète. Mais on sait que à le moment de l'apparition de la vie, probablement la plupart de notre planète étaient plus extrêmes. Donc on regarde les organismes modernes très sophistiqués qui habitent maintenant dans le même type d'environnement. On regarde les limites des molécules composants de ces micro-organismes pour comprendre un peu mieux sur l'origine de la vie, et ça nous donne aussi des astuces sur le potentiel pour la vie sur d'autres planètes, parce que ces environnements-là qui sont extrêmes sur notre planète sont les conditions entre guillemets normales sur d'autres planètes comme Mars. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'évidemment le plus on en apprend à propos de ces organismes extrémophiles, plus on change de perspective. Ça a été vraiment un bouleversement paradigmatique sur l'apparition de la vie en dehors de la Terre, de la vie extraterrestre. On a longtemps eu finalement un concept qui était la zone d'habitabilité, c'est-à-dire finalement l'émergence de la vie avec de l'eau liquide dans des conditions de température qui sont celles que l'on connaît ici sur Terre. Grâce à notre connaissance de ces organismes extrémophiles, on pense aux thermophiles, aux psychrophiles. On peut se dire aujourd'hui, Patrick Forter, qu'il y a peut-être de la vie, même à des endroits qui seraient très très inhospitaliers pour nous. On peut penser aux lunes glacées de Jupiter, on peut penser effectivement à la surface de Mars, on peut penser à plein d'endroits comme ça qui ne sont pourtant pas des havres de paix pour des gens comme nous qui sommes habitués à des milieux modérés. C'est très difficile à dire en fait, hein, parce que comme on ne sait pas du tout comment la vie est apparue sur Terre, on a vraiment du mal à extrapoler par rapport à l'environnement. Pour moi, un aspect très important, c'est l'ARN, parce qu'on sait que l'ARN a joué un rôle décisif au moment de l'apparition de la vie sur Terre, ou peu de temps après l'apparition de la vie sur Terre. Et l'ARN est une molécule très fragile à haute température. En fait, l'ADN est beaucoup plus stable que l'ARN, et bon, une des raisons qui font que certainement les organismes avec de l'ADN ont pris le dessus sur ceux avec de l'ARN peut être liée à cette stabilité de l'ADN. Mais au départ, on avait cet ARN, donc c'est très difficile d'imaginer justement l'apparition du monde ARN dans des environnements particulièrement chauds. Donc là, j'aurais plutôt tendance à penser qu'effectivement, comme disait Adrienne, en parlant de cette Terre primitive, il y avait peut-être des niches un peu plus froides, un peu plus tempérées. Certains chercheurs ont réussi à fabriquer des petites molécules d'ARN en se mettant au contraire dans le froid, dans de la glace. Donc ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Donc la zone d'habitabilité, pour moi, les extrémophiles ne nous apprennent pas forcément quelque chose sur cette zone-là. Je pense que c'est plutôt la biochimie qui nous apprend quelque chose. Alors maintenant, bien sûr, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si, sur une autre planète, les organismes sont basés sur exactement la même biochimie, ou sur des systèmes qui seraient un peu plus stable dans des conditions extrêmes. Oui, donc la chimie à la base du carbone, c'est quelque chose que, au niveau de chimie, est très probable, le fait qu'on trouve des acides aminés qui se forment directement dans les nuages interstellaires, et ça c'est grâce à des études des météorites qu'ils ont identifié les mêmes acides aminés, et même les parties de ADN et ARN, les bases d'ADN et ARN qui se forment naturellement dans les nuages interstellaires. Ça donne des astuces que cette chimie est potentiellement en commun, et qu'on regarde les extrémophiles qu'on a sur notre Terre. On a par exemple les halo-archées, les organismes qui habitent dans des milieux très salés, qui peuvent survivre même à l'intérieur des cristaux de sel, dans un tout petit goutte d'eau à l'intérieur d'un cristaux de sel, pendant, il y a des rapports de 10 000 ans jusqu'à des millions des années de survie des organismes vivants dans une espèce de, entre guillemets, un coma, avec un métabolisme très très ralenti, dans un tout petit goutte d'eau qui, une fois qu'on met ces cristaux de sel, c'est le sel de table, on met dans l'eau, et on a les organismes qui reproduisent, et on a exactement les mêmes types de sel identifiés sur la surface de Mars. Ces organismes sont également radiorésistants, alors ça donne une autre astuce que ça peut survivre sur la surface de Mars. Oui, parce qu'ils sont soumis au rayonnement ionisant et au vent solaire, et que ça ne détruit pas leur ADN. Oui, de ce point de vue-là, les extrémophiles nous rassurent. Hein, comme on dit, il faut sauver la planète, la vie ne disparaîtra jamais de notre planète. Hein. Même si on avait un réchauffement climatique jusqu'à 60, 70, 80 degrés, il faudrait monter au-delà de 100 degrés pour qu'elle disparaisse. Donc, nous, on disparaît, micro-organismes survivent. C'est ça, à peu près. Ni les organismes, tous les organismes multicellulaires, en revanche, seraient assez mal barrés. Non, mais mais un mot également pour conclure, évidemment, sur ce que ces organismes extrémophiles nous ouvrent comme perspective, notamment dans le domaine biomédical. Vous le disiez tout à l'heure, par exemple, Adrien Kisch, il y a des, pour les micro-organismes radio-résistants ou pour même les halo-résistants ou les thermo-résistants, il y a des mécanismes très efficaces de protection, voire de réparation de l'ADN. Tout ça, évidemment, ça peut ouvrir des perspectives dans le domaine biomédical ou pharmaceutique. Effectivement, il y a certaines des adaptations des organismes qui sont radio-résistantes, qui sont vraiment uniques à ces organismes. Mais il y avait une première étude très prometteur. Ils ont trouvé le mécanisme de résistance chez Dinococcus radiodurans, le grand champion de radio-résistance, avec une résistance presque 4000 fois plus que l'homme, les rayonnements ionisants. Et ils ont identifié que c'était des molécules, des petites acides aminés, des petites peptides, associés avec du manganèse dans les cellules qui est un point en commun entre tous les micro-organismes radio-résistants. Ils ont préparé une solution de ces composants de manganèse et des petites acides aminés. Ils ont injecté dans les souris. Ils ont trouvé que le souris a une radio-résistance deux fois, presque trois fois plus. Alors maintenant, c'est juste une première étude, mais ils indiquent que c'est prometteur pour un traitement prophylactique pour les personnes exposées potentiellement à des centrales nucléaires, à des désastres comme Fukushima, qui peuvent aider chez l'homme potentiellement ou même en radiothérapie pour les cancers. Alors ça, c'est dans les stades très, très préliminaires. Très précoce des études sur le modèle animal. Mais c'est tout de même encourageant. Patrick Forter, à propos justement de ces éventuellement applications dans le domaine biomédical. Oui, depuis longtemps, les gens parlent des applications potentielles de protéines, en particulier des protéines résistantes à la température, ou au contraire des protéines psychrophiles. Pour les lessives, on a depuis longtemps des protéases isolées de bactéries psychrophiles qui sont utilisées dans les lessives. Parce qu'elles peuvent marcher justement résistant au froid, elles peuvent marcher justement à basse température. Je pense que ce qui nous a bloqué pas mal jusque-là, c'était pour un certain nombre d'extrémophiles l'absence d'outils génétiques. Et là, on commence à en avoir maintenant pour les hyperthermophiles. On a mis en évidence récemment même par exemple, des mécanismes de conjugaison à 100 degrés entre des hyperthermophiles, du sexe à 100 degrés. Génétique. Donc, on a des outils qui vont permettre justement de décortiquer un certain nombre de mécanismes, dont ces mécanismes dont parlait Adrienne pour la radio-résistante, qui devraient ouvrir des perspectives à ce niveau-là. On a aussi des collections de micro-organismes de plus en plus conséquentes. À l'Institut Pasteur, on a une collection de virus d'archées hyperthermophiles qui est unique au monde. Et on peut s'attendre, si on creuse suffisamment, et ça va prendre du temps, on peut s'attendre à des découvertes qui auront des applications intéressantes sur le plan biotechnologique ou médical. Rien quiche. Et aussi important de savoir qu'il y a des nouveaux antibiotiques et antimicrobiennes provenant des extrémophiles. C'est-à-dire, sur quel mécanisme, en quelques mots? Alors, quand on regarde les environnements extrêmes, ils sont adaptés à différents types d'infections. Alors forcément, ils ont d'autres molécules qui permettent une résistance contre l'attaque par des virus et d'autres organismes. Et maintenant, grâce à des études, c'est un peu comme d'explorer dans la forêt d'Amazon. On a une grande diversité des molécules d'intérêt thérapeutique. On est en train maintenant au muséum d'extraire des nouveaux antimicrobiennes et des nouveaux antibiotiques grâce à ces environnements extrêmes. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Adrienne Kisch, merci Patrick Forter d'être venu nous parler de ces micro-organismes extrémophiles et de leurs potentielles applications. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Céline Lezen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez absolument tout comprendre à l'intrication quantique grâce à notre invité qui est l'un des plus éminents spécialistes mondiaux de la question. Alain Aspect sera l'invité de la méthode scientifique demain à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture.